rouge du fameux jour chéri. Et dans deux minutes, je quitte le plancher des vaches. D'Europe et d'Amérique, des milliers de gens sont là. Une douzaine de ministres, plusieurs centaines de flics. Quand l'annonce est passée, je me suis présenté pour faire le cobaye dans une centrifugeuse. Je me suis pas douté qu'en acceptant ce job, j'avais été choisi pour créer une colonie dans l'espace. L'espace. L'espace. L'espace. Du fameux jour chéri. Et dans une minute, je quitte le plancher des vaches. Un héros, c'est grand comme un géant. Je ne suis pas plus haut qu'un demi-vermisseau. Là où une femme m'attend, une femme expérimentale, avec tube et manomètre de confection internationale. Je devrais faire attention de ne pas la casser, sinon la mission risque de capoter dans l'espace. L'espace. L'espace. L'espace. L'orage et du fameux jour J. Et dans quelques secondes, je quitte le plancher des vaches. J'aurais bien aimé pour la dernière fois dire adieu à Hilda, mon fox terrier danois. Ça y est, j'entends les réacteurs vibrer en dessous de moi. Et la voix du speaker annonce la mise à feu. Quand je pense que je pouvais suivre ça sur ma télé, devant un whisky sans glace, au lieu de me balader dans l'espace. L'espace.